الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 69 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, avec les explications de son petit-fils Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc, c'est les commentaires du Sharh Qurrat Uyun al-Muwahidin. Et au dernier cours, on expliquait le fait que, à la fin, on expliquait que le shirk, ça ne consiste pas seulement à adorer les idoles et les statues, mais yani, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une forme de shirk. Et on avait mentionné des versets à ce sujet, du fait que, yani, au jour de la résurrection, les êtres qui ont été adorés par les mushrikines, au jour de la résurrection, vont se désavouer de ceux qui les adoraient. Et parmi les exemples que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, c'est des versets qu'il a cités pour supporter et renforcer et confirmer la signification de l'explication du verset 56 et 57 dans Surat al-Isra. Donc, on va continuer dans l'explication, Inch'Allah. Maintenant, on va lire la parole de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Et il dit donc, après avoir expliqué que le verset réfutait ceux des mouchriquins qui prétendaient que l'adoration, que le shirk, c'était seulement l'adoration des idoles. Et ça réfute les gens à notre époque qui adorent des tombes, et qui adore des saints, et qui prie à des hommes pieux, et qui disent non, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas du shirk, puisque c'est pas des statues qu'on adore, c'est pas des idoles qu'on adore, c'est on fait seulement que montrer du respect aux hommes pieux et aux oulia, et on leur demande seulement d'intercéder pour nous, des choses comme ça. Donc c'est pas du shirk. Et le cheikh, il explique ici que ça, c'est justement la preuve que yani, qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk, puisque le shirk, c'est pas seulement d'adorer les idoles. Et on va justement clarifier encore plus ça avec les explications de Cheikh Al-Fawzan ici. Il dit هذه مهمة جدا لأن هناك من فسر الشرك بأنه عبادة الأصنام ويزعم أن المشركين مقتصرون على عبادة الأصنام وهذا غير صحيح. منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الملائكة والشياطين ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ولهذا يقول الشيخ في القواعد الأربعة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد يعني الملائكة، ومنهم من يعبد عيسى المسيح، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ليسوا مقتصرين على عبادة الأصنام. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Donc ici le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que ce point est extrêmement important, car il y a des gens qui ont interprété le shirk comme étant l'adoration des idoles, et qui prétendent que les mushrikines se limitent uniquement à l'adoration des statues et des idoles. Et il dit, il pense que ça, c'est yani, la limite de qu'est-ce que c'est le shirk. Et ça, c'est incorrect. Et c'est faux. Parmi les mushrikines, il y en a qui adorent des idoles, c'est vrai. Mais il y en a également qui adorent les arbres, qui adorent les pierres, qui adorent yani, les anges, les djinns, les shayatins. Et il y en a qui adorent les hommes pieux, les saints. Hein? les prophètes, les messagers. Donc, yani, c'est pas seulement les idoles qui sont considérées comme étant yani, la limite de qu'est-ce que c'est le shirk. Ou plutôt, c'est pas seulement l'adoration de ces idoles-là qui détermine seulement le shirk. Le shirk, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça. En principe, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes, hein, si quelqu'un adore quoi que ce soit en dehors d'Allah, le fait de l'adorer, c'est du shirk. Même si la personne ou la chose qu'il adore, c'est quelque chose qui a un lien avec la religion ou qui est à la base quelque chose de bien ou de bon, ça ne veut pas dire que le fait de l'adorer est permis. Et il mentionne ici les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, justement, dans son livre Al-Qawa'id al-Arba'a, les quatre règles. Les quatre principes, et dans ce livre-là, il explique justement un point important dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à des gens qui étaient divisés dans leurs adorations. C'est-à-dire que parmi eux, il y en a qui adoraient des arbres, il y en a qui adoraient des pierres, il y en a qui adoraient des anges, il y en avait parmi eux qui adoraient le Messie, Jésus, il y en a d'autres qui adoraient des hommes pieux, des saints, des awliya. Et donc, le shirk, c'est pas seulement d'adorer les idoles. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous combattus sans distinguer entre eux, c'est-à-dire sans faire de différence entre ces différentes catégories de mushrikines. Même s'ils adoraient ou ils faisaient différentes formes de shirk différentes, il les a tous combattus sans exception. D'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: wa tabayyana bi hadhihi al-aya أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونه ومن دونهم يعني وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر ضر ضر أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. Donc ici le cheikh il explique que on va traduire donc ce passage dans les paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Et ici, il dit qu'on voit clairement ici dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a condamné tous ceux qui invoquaient quoi que ce soit avec lui. Hein? Même ceux qui adoraient les prophètes, même ceux qui priaient aux prophètes ou qui priaient aux hommes pieux, ou qui priaient aux anges, peu importe qu'est-ce qu'ils adoraient. Et il fait référence ici au verset qu'on a lu au dernier cours. Et donc il dit, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit des prophètes ou des hommes pieux ou des anges, donc si de les adorer c'est du shirk, donc que dire de ceux qui adorent des êtres qui sont moins importants ou moins pieux que ces êtres-là. C'est encore pire. Et donc, il dit ici que le fait d'invoquer les morts, de prier les morts, d'implorer les morts, d'implorer les êtres invisibles ou les êtres qui sont absents pour leur demander de nous rapporter un bien quelconque ou de repousser un mal de nous, ça rentre dans le shirk majeur. Le shirk majeur que Allah ne pardonne à personne. Et donc, le cheikh, il explique que ceci donc est en contradiction avec la parole de la pureté, qui est la parole du tawhid, de la ilaha illallah. Hein? Et la raison pourquoi c'est en contradiction avec cette parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire le fait d'invoquer ou d'implorer des êtres morts ou des êtres absents ou invisibles, pourquoi c'est contraire au témoignage de la ilaha illallah? Parce que la ilaha illallah signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, yani, on voit ici le cheikh, il explique que si tu réfléchis comme il faut sur le verset qu'on est en train d'expliquer, qui est le verset 57 dans Surat Al-Isra, eh bien, tu vas voir clairement justement que le tawhid est clarifié dans ce verset. Et que tout ce qui est contraire au tawhid, parmi les différentes formes de shirk, ou le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux dans l'adoration, eh bien, le verset, il est venu justement pour réfuter tout ça. Et la preuve, c'est que il a été révélé à propos de ceux qui adoraient les anges ou qui adoraient Jésus, le Messie, ou qui adoraient Jésus et sa mère. Hein? Parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens, parmi les chrétiens, il y en a qui adorent Marie, il y en a qui ne l'adorent pas. Hein? Il y en a qui adorent seulement Jésus. Ou il y en a d'autres qui adorent Jésus et Marie. Hein? Et parmi les juifs, il y en a aussi qui adorent Al-Uzair, ou qui dit qu'il est fils de Dieu, ou des choses comme ça. Donc, c'est de eux que Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le verset lorsqu'il dit, dans le verset 56, dans Surat al-Isra, ce qui signifie, dit « Invoquez ceux que vous prétendez être des intermédiaires en dehors de lui, ou bien être des divinités en dehors de lui. Eh bien, ils ne détiennent pour vous ni la capacité de retirer un mal quelconque, ni de le... Hein, ni de le déporter ou de le changer, de le faire changer de place, ce mal. Et donc le cheikh explique ensuite que yani, ces mouchriquins qui invoquent ces êtres-là, eh bien ils ont contredit ceux qu'ils adoraient. Ils ont contredit les êtres auxquels ils offrent des doigts et des invocations. Et pourquoi le cheikh il explique ça? Il dit parce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite du verset, le verset 57 dans Surat al-Isra, que ceux-là, c'est-à-dire ceux-là que les mouchriquins invoquent, eh bien ils recherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher plus d'Allah. Hein? Donc si eux ils recherchent un moyen pour se rapprocher plus d'Allah, eh bien ça veut dire que dans ce cas-là, eux, ils adoraient Allah seul. Donc, si eux, ils adoraient Allah seul, alors pourquoi vous les adorez? Puisque eux, ils adoraient personne d'autre que Allah. Le mieux, ça aurait été pour eux de suivre leur exemple et de faire la même chose qu'eux, et non pas de faire le contraire de ce qu'ils ont fait, et non pas en plus aussi le fait de faire ce qu'ils ont interdit de faire. Parce que les prophètes sont les premiers à interdire aux hommes d'adorer d'autres que Allah ou de faire le shirk, hein, ou de l'idolâtrie ou des choses comme ça. Et donc ici, par exemple, si on donne un exemple avec Jésus chez les chrétiens, eh bien Jésus, il adorait Dieu seul. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple qui montre comment les chrétiens ont contredit Jésus, puisque Jésus, lui, il adorait seulement Allah. Et eux, ils n'adorent pas Allah, ils adorent Jésus. Donc ça, c'est la contradiction. Ils n'ont pas suivi son exemple. Et aussi, un autre exemple qu'on peut donner, c'est le fait que ils ont contredit la religion que Jésus a enseignée, puisque Jésus a enseigné aux hommes d'adorer Allah, et il leur a interdit d'adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah. Et donc, eux, au lieu de suivre ce commandement, qui est le premier commandement parmi les 10 commandements, et qui a été enseigné par tous les prophètes qu'Allah a envoyé à l'humanité, eh bien eux, au lieu de ça, yani, qu'est-ce qu'ils font? Ils le nient, ou bien ils l'ignorent complètement, et ils se permettent yani, d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de prier à Jésus, et de prendre Jésus comme une divinité. Hein? Donc ils ont contredit l'enseignement de Jésus lui-même. Donc ils contredisent la religion de Jésus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, donc que ceux-là sont ceux qui invoquent, hein, ceux-là qu'ils invoquent eux-mêmes sont eux-mêmes en train d'invoquer, hein, et de faire des du'as à Allah et de chercher un moyen vers leur Seigneur, hein, pour savoir qui est le plus près, c'est-à-dire à savoir comment faire pour se rapprocher plus d'Allah. Eux, c'est ça qu'ils recherchent et c'est ça qu'ils se demandent. Tandis que les mouchriquins, eux, ils cherchent pas un moyen pour se rapprocher plus d'Allah, mais plutôt un moyen de se rapprocher plus des créatures qu'ils adorent en dehors d'Allah, pensant que ces créatures-là sont capables de les aider à se rapprocher d'Allah, ou qu'ils sont capables de servir pour eux d'intermédiaire entre eux et Allah dans l'adoration. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une fausse conception et que c'est un mensonge. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici par rapport à deux points. Mais avant ça, je veux juste terminer l'explication de qu'est-ce que le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ici, que dans le verset en question, lorsqu'on regarde la structure, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a structuré cette phrase ou cette parole, il dit Oulaïka alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Et quand on regarde comme il faut, il y a une inversion dans le verset. C'est comme si on a mis l'objet est placé avant le sujet. C'est ça ce qu'il explique ici. Il dit, quand tu mets l'objet avant le sujet, en arabe, ça donne un sens, hein, qui est spécifique, qu'on appelle al-hasr. Donc c'est un style spécifique qui donne un sens spécifique. Et ici, ça donne le sens de l'exclusivité et de la restriction et de la limite. Donc c'est comme si on regarde dans le verset, par exemple, il dit « Yabtaruna ila rabbihimul wasilata ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu dire yabtaghuna alwasilata ila rabbihim, mais il a pas dit de cette façon-là. Il a dit yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne comme signification particulière ici, et c'est ce que le cheikh il explique comme exemple. Il dit si Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit de cette façon, ça donne le sens de l'exclusion et l'exclusivité. C'est-à-dire que ça donne ce sens-ci. C'est comme s'il dit ceux-là eux-mêmes que les mouchriquins invoquent et adorent en dehors d'Allah, eux, ils recherchent vers leur Seigneur un moyen. Hein, ou bien ils recherchent, hein, pour aller vers leur Seigneur un moyen qui serait le plus proche. Et donc, ici, c'est pour dire que au lieu d'avoir dit « ils recherchent un moyen vers leur Seigneur », il a inversé la phrase pour donner un sens de restriction et de limite, à dire dans le sens que c'est seulement vers leur Seigneur qu'ils cherchent, hein, un moyen pour se rapprocher, et non pas vers quelqu'un d'autre. Hein? Seulement vers Allah. Et c'est pour ça aussi qu'il le dit de cette façon. Ils recherchent vers leur Seigneur un moyen. Et c'est la même chose lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans surat al-Fatiha, le verset Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hein? Iyaka, ça veut dire c'est toi seulement. Hein? C'est toi que nous adorons. Wa iyaka nasta'in, et c'est à toi que nous demandons l'aide. Et ça veut dire, dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est toi que nous adorons et personne d'autre. Et c'est à toi que nous demandons l'aide et à personne d'autre. Mais sinon, il aurait pu inverser l'affaire, le dire dans le sens ordinaire et commun, c'est-à-dire de dire, hein, nous t'adorons et nous te demandons l'aide. Hein? Mais dans le sens il a voulu, hein, mettre l'objet en premier et le sujet après, pour que on sache que c'est dans le sens de l'exclusivité et l'exclusion et la restriction et la limite, que c'est seulement à Allah que l'adoration doit être offerte. Ensuite, le cheikh il explique que C'est-à-dire, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan maintenant. Donc, il dit ici, par rapport, il dit, « Wa du'a al-ghaibin, law kanu ahya, mithlu al-mala'ikati wal-masih, alayhi salam, wa mithlu al-jinn, la kanu ahya, wa law kanu ahya, law kanu ahya, yani, ma damu ghaibina, fala yud'a. » والغائب لا يدعى وإنما يدعى من الحي الحاضر ما يقدر عليه من نفع أو إعانة أو غير ذلك أما الميت والغائب فلا يطلب منه شيء أبدا. Ici, le cheikh, il explique un point important et que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, ou beaucoup de différents types de personnes ont des erreurs à ce sujet. Et c'est le point que ceux qui sont absents, parmi les créatures que les mouchriquines invoquent en dehors d'Allah, certains vont dire par exemple, oui, mais c'est pas des, nous on n'adore pas des idoles, on n'est pas des mouchriquines, on adore des êtres vivants, des êtres qui sont vivants, comme par exemple les chrétiens, quand ils prient à Jésus, est-ce que Jésus est mort? Présentement, il n'est pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Aux cieux. Il l'a élevé aux cieux. Donc, il n'est pas mort en ce moment. Il est vivant. Mais est-ce que parce qu'il est vivant, on a le droit de l'appeler, on a le droit de lui demander quelque chose, on a le droit de l'implorer ou l'invoquer en dehors d'Allah? Non. On n'a pas le droit. Même s'il est vivant. Parce qu'il est invisible. Et parce que en même temps aussi, il est absent. Et donc, on n'a pas le droit d'implorer ou d'invoquer celui qui est absent. Pourquoi? Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui entend tout et qui voit tout et qui sait tout. Tandis que les créatures, leur connaissance, leur vue et leur ouïe est limitée. Donc, ça ne sert à rien de les invoquer ou de leur demander quoi que ce soit, puisqu'on ne sait même pas s'ils nous entendent ou s'ils nous voient. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout, qui sait tout et qui entend tout. Et donc, par conséquent, c'est seulement lui qui mérite d'être adoré et pour qui il est, c'est le seul, pour qui l'adoration est utile, c'est-à-dire dans le sens que c'est utile pour nous de l'adorer seulement, parce que tout ce qu'on pourrait adorer en dehors de lui, eh bien, ils ne peuvent pas nous aider, ils ne peuvent rien faire pour nous. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous être utile si on l'invoque. C'est ça que je veux dire. Et pour continuer l'explication que le cheikh a mentionnée par rapport à ça, il dit que, par exemple, les anges, c'est la même chose. Les anges, ils sont vivants. Il y a des anges qui sont vivants aujourd'hui et qui sont autour de nous. On ne les voit pas. Ils sont là. De même que Jésus, comme on a dit tout à l'heure, de même que les djinns, ils sont vivants. Autour de nous, on ne les voit pas. Et même s'ils sont vivants, on n'a pas le droit de les invoquer parce qu'ils sont invisibles, et parce qu'ils sont absents. Et donc, ce qui est invisible et ce qui est absent, on n'a pas le droit de l'invoquer. On a seulement le droit d'appeler à l'aide ou de demander quelque chose de quelqu'un qui est présent, qui est vivant, qui est présent, et de lui demander uniquement dans les limites de ce qu'il est capable de faire et dans ce qu'il est capable d'aider. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouchriquines à notre époque, parmi les gens de Bid'a, qui adorent les morts et les tombes, qui... vont parfois essayer de dire que ils sont pas des mouchriquines parce que finalement ceux qu'ils invoquent ce sont pas des idoles, ce sont des êtres vivants, des hommes qui sont pieux. Donc par conséquent, c'est pas la même chose que ce que faisaient les mouchriquines de Quraysh qui eux imploraient ou invoquaient des statues et des choses de ce genre. Donc, qu'est-ce que ces gens-là oublient parfois? C'est que certaines de ces statues-là, des fois, c'était des représentations d'êtres pieux qui avaient déjà vécu dans le passé. et ils les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pensant que ces êtres-là étaient des intercesseurs auprès d'Allah qui pouvaient les aider. Hein? Donc c'est la même logique, hein? La même logique que ce que certains font aujourd'hui. Les mouchriquines de l'époque, ils faisaient la même chose. Donc il n'y a pas de différence en réalité. Et aussi quand on regarde certains d'entre les soufis, par exemple, aujourd'hui, qui disent non, mais le doigt, c'est pas une adoration, donc c'est pas du shirk d'appeler ou d'implorer ou de demander à autre que Allah. Parce que sinon, on pourrait même pas demander à quelqu'un dans la rue ou dans la maison ou quelque part qui est à côté de nous de lui dire, oh, est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu veux me donner un coup de main? Est-ce que tu veux me... Hein? Ou appeler quelqu'un au secours dans la rue quand on est en détresse. On pourrait pas faire ça puisque ce serait du shirk. Et donc, la réponse à ça, en fait, c'est que c'est pas du tout la même chose d'appeler quelqu'un qui est mort et d'appeler à l'aide quelqu'un qui est vivant. Les deux, c'est deux choses différentes. Puisque le mort, il est dans le barzakh et il peut rien faire pour les vivants. Et aussi par rapport à celui qui est pas mort, mais qui est absent ou qui est ailleurs, hein, ou qui est invisible. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est du shirk de l'invoquer ou de l'appeler. Puisqu'il ne peut pas tout voir, ni tout entendre, ni savoir tout. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est omniscient, qui est omnipotent, qui voit tout et qui entend tout. Donc qui peut savoir ce qu'on a de besoin, qui peut voir et entendre notre situation et savoir ce qu'on a de besoin quand on l'implore. Et donc, par conséquent, c'est seulement lui qui mérite d'être adoré. Et donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est batil. Et donc, la personne qui est, comme on a dit, celle qu'on a le droit, à qui on a le droit de demander quelque chose, hein, parmi les êtres vivants qui sont présents, hein, c'est ça la condition, c'est ça. Si on veut appeler à l'aide quelqu'un qui est vivant, parce qu'on est en détresse ou parce qu'on a un danger ou quelque chose comme ça, eh bien, on a le droit de demander à condition que la personne soit vivante, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'elle soit présente, faut pas qu'elle soit invisible ou absente. Et troisièmement, on a seulement le droit de lui demander de nous aider dans ce qu'elle est capable de faire. Et dans les choses dans lesquelles il peut nous aider. Et non pas de demander à propos de quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Comme par exemple, demander le pardon des péchés. On n'a pas le droit de demander le pardon des péchés des créatures. Hein, puisque c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne les péchés. De même que par exemple, demander le paradis. Demander le paradis ou d'être protégé de l'enfer, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Ou demander la foi, hein, demander la foi, demander la guidance, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner ça. Donc ça, c'est des exemples que si quelqu'un il demande ces choses-là à un être humain ou à une créature, automatiquement il est tombé dans le shirk parce que il a et aller demander à une créature ce que seul Allah peut faire. Non. Ensuite, par rapport au point suivant, le cheikh il explique donc que il dit والمشركون الذين دعوا عيسى وعزيرا والملائكة خالفوا من يدعونهم لأن من يدعونهم هم من أهل التوحيد وأهل العبادة وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك لا علاقة لهم بعيسى ولا علاقة لهم بالملائكة ولا بالأولياء والصالحين ولا بالصالحين. Donc ici le cheikh il explique que les mouchrikoun, hein, ceux qui par exemple invoquaient Isa, c'est-à-dire Jésus, ou Uzair, ou les anges, eh bien ils ont contredit ceux qu'ils qu'ils prétendent suivre. Ils ont contredit ceux qu'ils prétendent suivre parce que ces êtres-là et ces personnes-là faisaient partie des gens du tawhid et des gens de l'adoration. Tandis que les gens, parmi les fidèles de ces gens-là qui font partie des gens du shirk, eh bien, ils ne sont pas sur la même voie que Issa. Les chrétiens aujourd'hui, par exemple, ils prétendent suivre Issa, mais ils font du shirk, alors que Jésus a interdit le shirk. Donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas réellement en train de suivre Jésus. Et ici, le cheikh, il explique qu'ils n'ont donc aucun lien réel avec Jésus. Ils n'ont pas non plus de lien réel avec les anges, ni avec les hommes pieux, ni avec les saints, puisque c'est seulement les gens du tawhid qui ont ce lien-là avec les messagers et les prophètes.